Bonjour François Morel. Bonjour. Les films sont plus harmonieux que la vie, pensait François Truffaut. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Mercredi prochain, il ne va peut-être pas y avoir d'embouteillage dans les films, mais il y en aura dans les salles de cinéma. 13 nouveaux films. Vous vous rendez compte, 13 nouveaux films qui sortent le 19 juin, sans compter les 20 ressortis qui étaient sur les écrans le 30 octobre et qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur exploitation. Ça va faire mal, ça va saigner, ça va morfler. Préparez vos insultes. Non, mais dis donc, c'est pas parce que t'as un blockbuster que t'as la priorité, abruti. Qu'est-ce que tu dis, tête de nœud? Tu ferais mieux d'avancer avec ton nanar à 3 balles. Et toi, ton permis de filmer, tu l'as reçu dans une pochette surprise? Ça va bouchonner, forcément. Il va y avoir des accidents, des sorties de route, de la casse. En plus, figurez-vous, le 19 mai ressortiront des classiques du cinéma, notamment À bout de souffle de Jean-Luc Godard, The Wicker Man de Robin Hardy et, je ne vous le parle pas, de la rétrospective Ida Lupino. Tu crois que c'est le jour pour faire du tourisme, pépère, avec ta guimbarde à la con? Mais bouge ta caisse, papy! Elle est encore cotée à l'Argus, ta teuf-teuf! Ça va bouchonner, ça va engorger, ça va congestionner. Et ce n'est pas fini. Les salles de cinéma, chaque mercredi à partir de la semaine prochaine, ce sera le tunnel sous Fourvière, un 15 août. Plus de 400 films prêts à démarrer. Forcément qu'il va y avoir des énervements, de l'effervescence, des crêpages de chignon, des coups de poing à la gueule. Ceux qui ont des gros budgets vont faire des campagnes de publicité énormes. Pauvre con, tu crois que ça va te faire avancer plus vite de klaxonner? Éteins tes phares, connard, on est en plein jour. C'est pas devant une merde, je te signale qu'il faut brancher le ventilateur. Essayons de garder notre calme. Prenons notre mal en patience. Certains choisiront les itinéraires bis, emprunteront les plateformes cinématographiques, mais comme disait un slogan dans les années 70, quand on aime la vie, on va au cinéma. François Truffaut pensait au contraire que c'était quand on n'aimait pas la vie que l'on allait au cinéma. Moi, j'ai quand même bien l'impression que quand on aime la vie, on aime le cinéma et le théâtre et les restos et les demi en terrasse et le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. Même sans harmonie, même avec des temps morts, c'est pas si mal la vie. Merci François Morel. France Inter.